Grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, et puis les efforts du noble compagnon, la religion est arrivée à travers le monde connu de leur époque. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala me pardonne pour cette erreur qui a été glissée dans la formule de la phrase. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense en bien le frère qui a attiré l'attention sur cette erreur.